Pâté complet. Et les anciens ont dit que alors le Seigneur Jésus-Christ vient. Donc le Seigneur Jésus vient et il fallait l'attendre. Et le frère qui était là à la tête de l'œuvre a dit que c'était en 92 que Jésus venait. Date précise. Le frère connaît Bakari, mais il ne connaît pas. Donc, tu penses. Voilà. Hein? Tu penses. Ah bon, il connaît Bakari, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, donc, c'est là. Et effectivement, comme c'est écrit dans la Bible que Jésus venait, effectivement, il fallait attendre. Dieu ne voulait pas aller à l'aéroport. Mais il faut dire que l'attente a montré les signes d'une déviation. Parce que cette attente, pendant cette attente, il fallait, il y avait du désordre. Voilà. On dit Jésus vient, on a la vie éternelle. Donc, quand on a la vie éternelle, alors c'est fini, il faut aller à l'aéroport. Donc, il y a eu du désordre. Donc, on dit, mais d'autres même sont allés, ils volaient. Ils prenaient les gens dans les champs des gens. Pour dire que non, alors quand la terre appartient à Dieu, il faut prendre tout et il faut couper. Et alors on pouvait prendre les femmes des uns des autres et tout ça. Vous voyez, tout cela sans toutefois se confirmer la chose qu'on fait aux Écritures. Mais on dit qu'on attendait Jésus dans ça, à 92. Voilà l'élément qui est là qui peut rendre témoignage. Il peut, il sait ce qu'il veut dire. Donc on est resté dedans. Et que l'évangile qu'il fallait prêcher, parce qu'il est dit qu'il faut aller combattre les autorités, que les autorités établies sont sataniques, donc alors il faut aller prêcher l'évangile du royaume. Alors cet évangile-là, il fallait aller, même au plateau, aller dire que, insulter en quelque sorte les autorités établies. Voilà. Les autorités établies, et cela fait qu'il y a eu des frères, des gens qui sont allés en prison. Les gens sont allés à prison. Encore un élément, Jésus vient, alors on ne devait plus travailler. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont été débauchés du travail, parce que ça dépend du message que celui qui était à la tête donnait. Et alors il y a eu beaucoup qui n'ont pas travaillé. Vous voyez. Et voilà ce qui s'est passé. Alors donc, on a dit 92, après 92, il dit non, que selon Abakou, si la prophétie d'attend là, attendez en 2000. On a attendu en 2000. Le désespoir a commencé à naître. Mais comme, alors nous autres on est restés, moi personnellement je suis encore resté, bon j'étais très jeune, et bon ben, on est allé quand même, puisque Jésus ne parle, est-ce que Jésus ne venait pas, Jésus n'allait plus venir, il va venir. Voilà, même si on dit qu'il est bien quatre heures, qu'il n'est pas venu, qu'il dit à deux, qu'il n'est pas venu à toi, qu'il attend toujours, non. Voilà. Mais seulement, c'était déjà des signes d'une déviation. Voilà. C'était déjà des signes d'une déviation. Et en 2008, alors, le comble, on arrivait au comble où, alors, l'aîné, Kone Bakari qui était à la tête, alors, va dire que bon, voici une nouvelle manière de faire. Alors, on va introduire maintenant les causes dans l'Église. On va dire que le nom de Dieu, quiconque dit le nom de Dieu a prononcé le nom de Satan. Il faut dire Hachem Adonai. Si tu ne dis pas Hachem Adonai, alors tu parles du soleil. Et voilà les choses vont entrer. On va commencer à dire que la Bible, alors que la personne avait dit qu'il croyait, il va commencer à la renier des Écritures. Et alors, voici que certains frères vont commencer à sortir. Voilà les aînés, ils sont sortis. Ils étaient dans le mouvement. Ils sont sortis. Les éloignés, tout ça, bien beaucoup. J'étais encore dedans. Et ils sont sortis. Et bon, et quand ils sont sortis, alors ils se sont retrouvés à ce qu'on appelle Adjamé. Ils se sont retrouvés à Adjamé, puisque maintenant il fallait se retrouver pour chercher comment faire. Et que comment l'autre devait avancer. On avait quelqu'un à la tête, maintenant on est sorti, on dit que bon, on ne comprenait pas certaines choses dedans, il faut continuer. Comment faire? Donc, c'est dans ça que par la grâce de Dieu aussi, alors j'ai vu, quand j'ai vu les brochures de Branham, et lorsque les brochures, chaque brochure de Branham dit, attenez-vous à la parole, à la Bible, à la parole, à la Bible, alors j'ai été dit au frère que bon, on m'appelait l'évangéliste. Ça veut dire que évangéliste là-bas. Donc voilà, j'ai dit que non, je ne peux pas prêcher encore pour dire que Dieu est Satan. Et que ça, je ne peux pas prêcher cet évangile. il n'est pas en conformité avec les Écritures. Donc je m'en vais, je ne peux pas. On dit non, tu vas rencontrer les aînés, je dis non, ça suffit comme ça. Parce que je sais que si je les croise, je ne suis pas assis à quoi, je ne peux pas faire ça. Et alors, j'ai retrouvé les frères. Donc, ils ont fait, selon l'information des uns et des autres, ils se sont retrouvés à Chose, à Adjamé, pour discuter sur la doctrine chrétienne. Comment l'œuvre devait maintenant continuer. Puisque si on a vu qu'il y a une erreur, il faut entrer dans la droite ligne. Voilà, il faut continuer l'œuvre. Donc, c'était ça. Mais ici, là encore, il y avait un problème. On a vu que dans la Bible, il y a eu un seul concile, le concile de ce qu'on fait là, à Jérusalem. Lorsqu'il y avait ce problème, les frères se sont rencontrés, Pierre a parlé, Jacques a parlé et c'était terminé. Ils se sont entendus. Voilà. Mais il y a eu des conciles sur des conciles, les frères ne se sont pas entendus sur la doctrine. Il y avait un problème. Vous voyez? Et en 2019, que la crise politique en Côte d'Ivoire est faite, puisque tout le monde se rencontrait là-bas, il y a eu maintenant la dispersion et chacun allait où il était pour se réunir avec les frères qui étaient encore prêches. Et c'est comme ça. Donc, c'est ainsi que nous, alors on s'est retrouvés ici, à Yokoubo ici. On était quatre. Hein, voilà le même des lieux, mais il est au travail, il allait au travail, il n'est pas là. Et le frère Olivier, moi, et le frère Guessa. Donc, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait alors continuer. Il fallait continuer, il fallait lire, il fallait prier, il fallait prêcher aussi pour qu'on augmente en nombre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Mais il faut dire que, ici, le problème encore, que les réunions qu'on faisait à Djamé, jusqu'à ce jour, on fait ça, on ne sait pas encore attendre. Voilà, on ne s'est pas encore entendu. Franchement, voilà les aînés qui sont là. On ne s'est même pas encore entendu jusqu'à ce jour. Voilà. Maintenant, ici, particulièrement, on a dit, bon, voilà, s'il y a problème et qu'on est venu en localité, on doit faire quoi? Voilà les Écritures. Voilà, voilà les Écritures. Donc, il fallait fonctionner selon les Écritures, donner des enseignements d'après les Écritures. Voilà ce qu'on s'est dit. Donc, à notre niveau, quand on était, il n'y a pas de problème. Le grand Olivier dit, ah mon frère, j'ai un témoignage, un message, ok, tu vas parler. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à ce qu'on augmente un peu en nombre. Vous voyez? Voilà. Donc, on est là, on discute toujours là-bas, en grand nombre, c'est-à-dire l'assemblée collective, mais ici, nous n'avions pas de problème avec les Écritures. C'est la seule chose, c'est la parole de Dieu. Mais étant là, alors on avait les oreilles ouvertes. On cherchait des partenaires scripturaires qui croyaient aussi à la même Bible que nous. Donc on avait les oreilles ouvertes. C'est ainsi que il y a quelqu'un qui parlait à la radio. Bon, son nom, c'est quoi? Nana Apôtre. Nana Mathias. Mathias. Il dit, le frère l'a entendu. Il dit, non, à la radio, voilà un frère qui parle. Il prêche la Bible, que non. Il défend, il dit, non, la doctrine de la faute et tout ça. On dit que ok, bon, on veut écouter le frère, on a tout fait pour entrer en contact et on l'a appelé ici même dans cette cabane pour parler avec le frère. Bon, frère, on se met dans la position des pays. On dit qu'ils examinaient dans les écritures. Bon, on veut écouter. Parce qu'on cherche des partenaires. Bon, le frère va faire des développements et tout. Alors, dans ça, il va dire que l'église passe par la tribulation. On dit, bon, là, il y a un peu de problème. Et il y a la plus pas la tribulation, ça au moins on sait que ça ne coupe pas la tribulation. Et que si ne coupe pas la tribulation, alors mangez vivant, car demain nous mourrons. Voilà. Donc voilà. Donc là, il y a eu, on ne s'est pas attendu avec ce frère-là. Et il est parti. Mais il faut dire que encore, ici, il y a eu, on a eu la rencontre avec certains frères ici. En tout cas, qui ont combattu farouchement les Saintes Écritures en voyant d'autres doctrines. Voilà. Et à la personne de Dokou et à l'aide de Benjiko, on dit qu'ils étaient là. C'est ça. Ils étaient là. Et c'est eux qui combattent. Ils disent que non, quand quelqu'un croit, on ne peut pas le baptiser d'eau. Voilà, il a dit de développer ces doctrines. Donc, on n'est pas d'accord sur ces points jusqu'à ce jour. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que dans les 2 mois peut-être qui ont suivi, le frère Olivier dit, il a écouté sur Internet, quelqu'un qui parle de la doctrine des apôtres encore. Bon, j'ai dit frère, bon, je me suis dit à moi-même, comme vous pouvez le dire, Nathaniel, est-ce qu'il peut venir de quelque part encore quelqu'un encore ici? Voilà! Parce qu'on n'est pas, on ne trouve pas quelqu'un. Et du Cameroun. Ah oui, oui. Il dit quelqu'un m'a venu du Cameroun. Bon, d'accord, on va envoyer le message, on va écouter. Mais alors, on a écouté, j'ai écouté et j'ai cru que effectivement c'était un partenaire scripturaire. Parce que c'est un partenaire scripturaire depuis la première lettre, moi ma remarque personnelle, depuis la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière de l'Apocalypse, en tout cas, il n'y a rien à signaler. Voilà, moi personnellement, moi personnellement, moi ça m'est égal. Voilà. Je ne suis pas là. Je peux faire des éloges au frère. Pierre a fait des éloges à Gaïs et tout ça. Donc oui, je dis oui, c'est ça. En tout cas, j'ai été vraiment, et ces messages, en tout cas, me consolent beaucoup. Me consolent beaucoup et ça me fortifie. Et c'est ce témoignage que je vais rendre. Et en tout cas, le message de Cameroun, c'est pas le message du frère Junior, mais tous les frères qui ont travaillé au Cameroun. Parce que je connais ce frère-là par le témoignage et par le travail qu'ils font. Déjà, tu peux prendre 21 jours de jeûne, frère. 21 jours, ils gênent. Ici, dans les conflits qu'on a fait, on n'a jamais gêné. Voilà les frères qui sont là. On ne s'est jamais réunis pour gêner. Jamais on a fait ça. Mais on est là, dans les débats, futiles et à des points, nous attendent. Les frères gênent là-bas au Cameroun. Ils gênent. Alors, on ne peut pas gêner ici. Donc voilà les réalités de l'œuvre de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire ici, frère. Voilà. Donc je dirais que les frères t'ont dit, quand l'étranger vient, on lui donne les nouvelles. Mais moi, c'est que je ne fais qu'ajouter à ça. Il y a eu quatre évangiles, et quand ça a dit, moi je viens pour dire pour moi encore. Voilà, pour dire que voilà un peu, frère, voilà un peu les réalités de l'œuvre de Jésus-Christ ici, aussi en Côte d'Ivoire, j'ai fait un peu d'historique. Pour que nous puissions savoir où commencer avec nous par l'exhortation, le talent que le Seigneur t'a donné. Amen. Voilà. Donc c'est là que je vais dire et que le message a contribué ici à l'accroissement aussi de l'œuvre. Puisque les frères qui ont compris le message sont venus, on a augmenté en nombre. Et en tout cas, le nom de Jésus-Christ est glorifié et la parole de Dieu glorifiée comme elle est au Cameroun. Alors donc voilà le témoignage que je vais rendre. Et vraiment pour que tout le monde puisse savoir. Voilà, donc Dieu bénisse sa parole. Donc frère, bon, c'est peut-être que j'ai été long, mais il faut dire que c'est. On dit que c'est de l'abondance, donc que la bouche pas. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux dont on ne s'est pas rencontré hier. Je crois que dimanche est compensation pour certains. Je crois qu'il y a des gens qui sont arrêtés là. Si vous voulez arrêter, mettez-vous près du bar là, comme ça. Sinon, vous allez prendre plutôt les autres sont dehors là. Si vous voulez arrêter, déposez ici. Bon, je dis bonjour à mes papas qui sont là, bonjour à tout le monde. Et donc, j'espère que le Seigneur nous a donné une bonne nuit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Parce que j'ai comme l'impression que mon français. Ma façon de parler ne vous arrange pas. C'est bon. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et en fait, il n'est pas question de moi. Mais discerner la voix, c'est que c'est ce que vous allez faire. Cette chaîne n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Parce que je n'ai jamais voulu faire ce que j'en ai de faire. J'étais à l'université en train de faire la physique. Et puis, il m'a mis à part pour cette œuvre-ci. Donc, en dehors du fait que nous avons en commun la parole, nous avons en commun le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas en commun les dénominations. Si dans votre marche avec Dieu, vous êtes entré dans tous ces domaines-là, je n'y suis pas entré. Il m'a mis de côté pour que je puisse dire directement et droitement selon chaque chose qu'il va me montrer. Vous voyez, n'est-ce pas? J'aime mal en entendant des choses qui sont révélées là. Je vous ai dit hier, s'il n'était pas là, je vous ai dit, je vous connais. Bien mieux que vous-même. Parce que les choses que je me montre, c'est pas dans le cadre de l'église, des églises du Cameroun. Parce que je n'ai pas été envoyé seulement aux églises du Cameroun. Quand Dieu m'a appelé, après il m'a fait aller au Nigeria. Hier, je vous ai dit, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. Israël et le Cameroun sont mes pays. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé au Nigeria. Il s'est arrangé à ce que je ne puisse plus avoir le transport pour rentrer. Je suis arrivé au Nigeria et je vais vous expliquer comment ça se passe. Je suis dans le lit, en train de lire la Bible. Subitement, le Saint-Esprit dit « Il ira au Nigeria ». Je n'ai pas de passeport. Je ne connais personne au Nigeria. Je n'ai pas d'argent. Parce qu'en réalité, je suis issu d'une famille extrêmement pauvre. Il dit « Tu vas au Nigeria ». Je dépose le livre, je suis en train de méditer, je suis seul dans la chambre. J'appelle mon épouse, je lui dis, le Seigneur dit, je vais aller au Nigeria. Il dit, tu vas faire quoi au Nigeria? Je dis, moi, je ne sais pas pourquoi il dit, je vais aller au Nigeria. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis sur le trône, il va nous juger. À cet instant, un immoral m'a appelé du Nigeria. Il dit, pas de juge. À cet instant, la voix dit, tu iras au Nigeria. Un numéro que j'ai appelé, j'ai vu le téléphone, j'ai vu plus 234. Qui peut m'appeler du Nigeria? C'est un ami avec qui on a fréquenté au lycée, on a s'est perdu depuis la classe des quatre, parce que j'ai fait 4e lieu, après il a fait 3e, vous voyez, sauter des classes, c'est pas le cas, c'est pas l'important, c'est pas là. Donc on a fait le lycée ensemble, et puis on s'est focalisé comme ça depuis le lycée, ça fait plus de 10 années. Il s'est trouvé là-bas, et puis subitement, en un instant, il commence à dire qu'il faut que celui-là vienne sur le Nigeria. Donc, Dieu me met à cœur de me faire vidéo au Nigeria. Dieu me permet que je me donne le Nigeria. Je vais dans le Nigeria. Je vais seulement aller rapidement pour entrer dans le secteur de l'eau. Et avant de donner la première partie du message, c'est pourquoi je suis là. Et lorsque je vais au Nigeria, j'arrive au Nigeria. Donc, lorsqu'on me dépose au Nigeria, sur le territoire nigérien, je suis là en plein minuit. Dans le territoire nigérien, en 2009, où il y a des assassinats et autres choses au Nigeria. Je suis dans un quartier, on appelle ça Djabi, à Abuja, à la capitale nigérienne. En plein minuit, là on va déposer. J'ai fait d'abord le voyage de 2 jours, c'est que le téléphone est déchargé. Je ne sais pas où vous me suivez. Je me tiens là-bas à minuit, j'ai l'équivalent des 60 francs CFA dans ma poche. Donc s'il faut appeler dans un box, je n'ai pas de possibilité. Il manque une dernière barre de téléphone qui est rouge. Celui-là m'appelle, tu es où? Je demande à quelqu'un qui est côté là, que je suis au nom de Jésus. Je ne sais même pas s'il est au courant de ce que j'ai dit. Le téléphone s'est éteint. Dans ce quartier-là, c'est le quartier résidentiel. Chaque maison a des barrières. Donc s'il pleuvait, c'est sur moi, ça devait tomber. Je suis à minuit dans un pays étranger. Je ne connais pas le nom, je ne connais personne. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de téléphone, rien. Je suis tenu là. Tout ce qu'on est venu nous laisser là, chacun est venu prendre sa personne. Le bus est venu nous laisser. Chaque personne vient prendre son visiteur. Chaque personne prend son visiteur. Jusqu'à ce que la ville, la rue, c'est vide. Je reste là. Et dit, Seigneur, tu m'as demandé de venir au Nigeria. Mais voici ici, au Nigeria. Je suis là. Si par rapport au pays, je n'ai pas de prêt pour rentrer. Donc, subitement, j'ai vu mon ami, après une heure de temps, après le minuit, il venait me chercher avec la voiture. La voiture venait, il dit, l'eau va. Il venait me prendre à l'obscurité. On est rentré. Mon ami, là, il n'a jamais su, c'est le Seigneur qui l'a fait qu'il vienne au Nigeria. Il n'a jamais su jusqu'à présent. Tout à l'heure, le matin, je le posais parce qu'il est au Mexique maintenant. J'ai fait 7 jours de jeûne à sec là-bas. Midi, j'étais devenu mec comme ça parce que je ne sortais pas de la maison. Je priais. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je suis allé sur les rudiments de cette affaire pour montrer là où le problème est. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir ici? Pendant des jours, des semaines, il n'a pas répondu. Je n'avais pas prié pendant que je lisais pour dire, Seigneur, montre-moi le pays où je vais aller. Je lisais la Bible, tu iras au Nigeria. Fin de citation. Il n'a pas dit, tu iras de l'homme, faire quelque chose, va passer par contre. Là, ça m'a dit, tu iras au Nigeria. Et les éléments pour que j'y aille ont commencé à se mettre en place tout naturellement. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, un moment donné, donc, je suis allé le prier, il dit, maintenant, voici pourquoi je t'ai fait venir ici. Écoutez, très attentivement maintenant. Il a dit, je t'ai fait venir ici afin que tu voies les abominations qui se font en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays, et auquel tu es fait partie des jeunes gens que je vais susciter pour établir les choses, vous ne fassiez pas cette même erreur. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce que j'ai reçu. Donc il m'a fait aller au Nigeria pour que j'observe comment on appelle le nom du Seigneur Jésus, comment on fait avec son nom, les publicités qu'on fait de son nom, la façon dont on tue son boulot commerce, et que ce qu'il m'appelle à faire, que je tâche à ne pas faire comme ça. les façons que les gens ont utilisé le nom de Jésus comme des lapins pour avoir de l'argent. Il m'a prévenu que je dois enseigner que ceci est contraire aux Écritures. C'est pas son message. Alors il m'a appelé pour rétablir ces choses, pour dire que cette façon de faire n'est pas structurelle. Et il a dit que je vais. C'est pour cela que si vous avez entendu dans les radios, je suis virulent contre cela. Et même si les gens veulent venir n'importe quoi, je sais de qui je tiens cela. Parce que c'est tenu dans les Écritures ainsi. Vous pouvez voir le nom du Seigneur pour faire le commerce. Puis encore, j'arrive là par rapport au message pour la Côte d'Ivoire ici. Puis encore, je prends le nom du Seigneur pour martyr. Vous comprenez, c'est une abomination terrible. C'est une opreuve de cette monde de la épaisseur. Et il a dit, tâche, je t'ai fait venir, c'est afin que tu vois, il aussi, les abominations se font en mon nom. Donc on fait n'importe quoi en extrémité, Jésus-Christ. On fait n'importe quoi, mais Jésus-Christ, mais il m'a fait aller au niveau Jésus. Si vous pensez aller, je n'ai jamais pensé y aller. Alors il a dit que je tâche à ne pas faire ces erreurs. C'est pour ça que je dois veiller à dire joyeusement la parole à qui tu dois. Me suivez-moi. Et c'est à qui il s'adresse comprendre cela. Parce que le but n'est pas de vous faire comprendre cela. Le but c'est de dire ce qu'il a dit et que lui il en fait ce qu'il veut faire. La deuxième fois qu'il m'a parlé, il a dit qu'enseigne les paroles, j'habiterai dans les cœurs. C'est ce qu'il a dit. Donc, mon rôle, c'est d'enseigner la parole. Déjà, pour la parole, on est plus appelé la Bible aujourd'hui. Je suis obligé de tenir, je prends une autre partie. La Bible, c'est tout l'islam. D'accord? Donc, Dieu vraiment vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime et je vous connais. Je vous connais. Que Dieu vous bénisse. Je vous connais. Maintenant, je veux que toute votre attention maintenant, parce qu'il vient de vivre des choses. D'accord? Lorsque je prends ce petit témoignage, cet extrait de moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas, j'ai souvent un extrait comme ça pour le Seigneur, ce qui se passe dans les églises au nom du Seigneur Jésus. C'est parce que mon cœur bouillonne chaque fois quand j'entends, on dit des choses du Seigneur Jésus qui ne le conseille pas. Ou mieux qu'il n'a pas dit. Vous tenez, vous voyez les gens à la télévision faire des choses au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur te dit, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai pas envoyé. Mais pourtant, des miracles s'y opèrent. Les gens, ils font pas en foi. Mais vous voyez que c'est la publicité satanique. Et les gens qui ne connaissent pas les saintes écritures, ça c'est un père de manche qui connaît les saintes écritures. Et c'est une autre paire de manches que l'esprit qui connaît les saintes écritures pour vous. Je crois que vous avez vu la calpable. Écoutons là, je crois que je suis en plein là, c'est super. Nous sommes en plein. Vous attendez. Ça, vous appelez ça par là, là, là. Ça, c'est le par là, là. Ça, et vous vous montrez, vous avez hérité cela. Il y a une école où on apprend ça ici. Il y a une école où on apprend ça. Comment tu vas leur dire que ce n'est pas structurel? Comment tu vas leur dire que le don spirituel ne s'apprend pas? Que le don vient du Saint-Esprit. Et que le mal me donne, ne se manifeste pas sans que le Saint-Esprit soit d'abord. Comment tu vas le faire ici? Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne dira pas ça. Il va dire Dieu. Et quelqu'un d'autre doit se manifester. D'accord, frère? Prenez les Bibles, prenez les Bibles maintenant. Merci, Père. Merci. Prenez les Bibles. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire des paroles. Je vais prendre ce que mon frère a dit. Je vais vous donner la première partie du message. Donc, je crois que pour éviter ces bruits, dimanche prochain, si vous le voulez bien, c'est mieux qu'on se réunisse à partir de 13h. Midi 13h, d'accord, frère? Il dit dimanche prochain, la semaine prochaine. Pourquoi on est le temps de travail? Pourquoi on évite ces bruits ici? On les laisse le matin faire les bruits et chanter pour la sueur. Puis on viendra, on pourra bien travailler. D'accord? Il dit dimanche prochain. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4. Philippe, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage clairement. C'est à cause des croyants qu'ils ont dû appliquer eux-mêmes d'abord le message sur leur propre personne. Et qu'ils mettent cet exemple-là afin que vous, croyants, nous apprenons, d'après eux, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On n'a pas franchi. Il y a des limites qu'on n'a pas franchi. plusieurs fois dans les Écritures, depuis Deutéronome chapitre 4, Dieu avait donné la Torah au peuple juif. Il dit, telle que c'est donné. Vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez rien. À la Sainte Esprit. Si vous êtes Proverbe chapitre 4, vous faites comme ça, comme la voiture. Alors, si vous êtes Proverbe chapitre 4, verset 5 et 6, il dit, n'ajoute rien à ses paroles que peuple ne te répète, que tu sois trouvé menteur. N'ajoute rien à ses paroles. Il conclut la Bible avec cette parole du livre de prophétie, je le déclare à quiconque l'entend. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappe par les pieds décrits dans ce livre. Donc Dieu a été un peu plus clair par rapport à la stricte même de sa parole telle qu'elle a été donnée. Il y a un livre dans le livre de chapitre 1, verset 5 à 11. Le verset 11, comme il a dit, il faut que le serviteur, là, qu'on appelle évêque, soit nourri de la sainte parole telle qu'elle a été enseignée afin de pouvoir enseigner selon la sainte doctrine et pouvoir. Contredit les contradicteurs. Donc, la parole est donnée. Et la Bible est dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est expirée. Ça, votre Bible, c'est écrit, inspirée. C'est pas inspirée. C'est expirée. Théonosis. Dans le souffle du Seigneur. Théonosis. Donc, Dieu a respiré la parole. Il dit, et tu corriges. Donc, si vous tournez, on dit, la parole dit ceci. Vous instruire. On dit, c'est comme ça, ça doit marcher. Vous n'avez pas le choix de marcher ainsi. Oui, n'est-ce pas? Afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. Donc, ça veut dire que ça corrige que Dieu, le Seigneur du Seigneur. Ça veut dire que notre modèle de marche, c'est d'après la parole. Vous ne pouvez pas inventer quoi que ce soit. Tout ce que Dieu avait voulu que l'Église sache qu'il a donné dans le conseil à l'apôtre Paul. Il y a des points qui sont difficiles d'entendre. Tu envoies quelqu'un pour encore détacher. Mais tout le conseil est donné. Et là, nous annonçons tout le conseil qui était sans rien caché. Et la fondation qui a été mise, on ne peut plus poser notre fondation. C'est ce qu'il a dit. Et bien plus, dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile autre que ce qui est qu'il soit ananas. Il dit, je le répète, souvenez-vous de ceci, cette parole-là, il s'inclut lui-même. Donc la parole ne peut pas venir enseigner encore quelque chose contre ce qu'il a dit là, parce que c'est total défini et papa. Monsieur V. Alors, nos enseignements, aujourd'hui, nous dénonçons ça. Les ancêtres n'ont pas enseigné quoi que ce soit. Et la Bible est claire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Les gens sortent avec des messages aujourd'hui. Donc, parce qu'on a soif des révélations. Je vais vous dire où on est tombé. Je vais vous dire où on est tombé. Parce que, souvenez-vous de ceci, vous suivez quelqu'un. S'il est mort et qu'il est allé à l'enfer, vous le suivez dans ces voies-là. Vous irez là-bas. Vérifiez votre fondation. J'ai comme l'impression que partout où je passe, beaucoup de personnes font des mélanges. Les mélanges peuvent créer la confusion. Quelqu'un qui a fait cette dénomination se trouve avec des petites doctrines dans chacune des dénominations. À un moment donné, ça produit une seule doctrine encore autre les sept. Parce qu'il a goûté ici, goûté là. Vous parlez de Kakou Philippe. Kakou Philippe dit de son témoignage qu'il était chez les Branhamites. Pas vrai? Il suivait le message de Branham. Donc, après cela, il avait appris au message. Vous pouvez dire maintenant que l'Église dit que c'est un enfant de Dieu, lui là. Vous pouvez dire que c'est un enfant de Dieu. Avec le blasphème là, alors il pose la question, dès le départ, était-il sauvé? Donc faisons attention. Être en communion du message, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé ou vous n'avez pas tout Jésus. Connaître la parole du début jusqu'à la fin, la révélation de tous les mystères. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu habitant votre cœur, vous ne servez absolument à rien. C'est ce que la Bible enseigne. Donc qu'est-ce qu'il faut? Les gens vont. On a dit que les écoles publiques ne sont pas publiques. Les gens vont maintenant, vous lisez les messages, quand vous lisez les messages de Branham, messieurs, celui-ci, vous accumulez connaissance sur connaissance. Connaissance sur connaissance, ça reste dans votre intellect. Il est temps de vivre la vie de l'esprit. C'est de ça dont il est question. Il est temps de vivre la vie de l'esprit. Parce que les connaissances que vous avez, lorsque ça reste dans votre intellect, vous allez être des raisonneurs, mais ceux-ci n'ont pas la Bible. Je recommence, je vais vous le suivre. Les connaissances que vous lisez dans la brochure, non, pas dit ceci, celui-ci a dit cela. Vous accumulez, vous les accumulez. La question c'est, as-tu fait de ces messages? As-tu fait? Les disciples du Seigneur Jésus, quand ils étaient chez Jean-Baptiste, ils ne sont pas venus chez Jean-Baptiste pour prêcher Jean-Baptiste. Ils sont pas venus chez Jésus, c'est Jean-Baptiste. Ils ne s'existent pas Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, chaque jour, Branham a dit. Branham est mort pour vous. Est-ce qu'il est mort pour vous? Quand il était sur la terre, le prêchait-il lui-même? Dans ce cas, les vertiges vous ont absorbé. Vous avez des problèmes. On ne prêche pas le message, on ne prêche pas un message. Parce que le message est envoyé par quelqu'un, c'est de lui, Jésus, qui est le sang. Donc, vous avez une autre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous les prophètes de la Bible, et dans l'Ancien et dans la Nouvelle, on annonce Jésus. Tous les prophètes, sans exception, on annonce Jésus. Et les jours qui nous disent qu'est-ce qui ne va pas de nous aujourd'hui? C'est parce que c'est ses frères. Ne vous cachez pas, il va vous dire la vérité. Il est temps de vous réveiller de votre torpeur. Laissez les égaux intellectualistes et des raisonnements. Allons droit devant le Seigneur pour savoir quel est le vrai remède à appliquer sur votre plaie. Vous me suivez, frère? Donc, la parole dit dans 1 Corinthiens 4, c'est pour cela que nous avons fait application à notre personne et à celle d'Apollos, afin que nous nous appelions à notre sujet à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La mise en garde est là. Il dit dans 1 Corinthiens, tu vois, que j'ai placé le fondement comme un sage à chercher et un autre bâtiment. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Parce qu'aucune autre fondation ne peut être posée. Rien de fondation de la maison doit continuer sur cette fondation. Vous continuez. La fondation est posée. Vous n'allez pas chaque fois aller poser la fondation. Continuez. Continuez. Continuez. On doit aller à la maturité. Vous avez un message. 1990, c'est entré ici, et puis vous êtes en 1990. Okay. Le but pour lequel le message est entré, c'est pour nous amener où? Où est-ce que Dieu allait avec cela? On ne pose pas des questions à Dieu, on essaie de combattre les hommes, on essaie de chercher des gens qui sont de même avis que nous. Et vous voyez effectivement que vous êtes 400 initialement dans un message. Après 400 personnes se disloquent avec ce même message en créant 400 différents groupes, et là aussi il y aura des discolocations. Vous formez donc des dénominations. On n'est pas différent. La seule chose, c'est qu'on n'a pas mis une plan, on n'a pas que le message ici. Mais en clair, c'est la même chose que vous le proposez. Parce que la Bible est là dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Tenez tous le même langage, le même sentiment. Elle n'est pas d'avoir des divisions parmi vous. C'est ce que la Bible recommande. Si vous avez des divisions, il y a un esprit impur au milieu de vous. Donc il est temps de se corriger. Il ne s'agit pas de dire que tel est faux, tel est vrai. Vous avez fait une erreur. Il faut la repentance. Il est temps d'aller vous chercher le Seigneur. Vous avez la connaissance. La Bible déclare que la connaissance en on a vu la démonstration ici. Chacun a besoin de présenter un verset de lui pour montrer qu'il a raison. Vous pouvez avoir raison, allez à l'enfer. Satan a raison pleinement de dire que Dieu prend plus de la gloire. Pourquoi on l'adore seul? Dieu. Amen. On doit l'adorer seul, qu'il le veuille ou pas. Comme il a fait comme ça, il ira à l'enfer. Avec qui il dit la vérité. Il avait raison de dire, est-ce que tu manges, tu seras comme de Dieu. Il avait raison, mais il a quand même fait, il ira en enfer à cause de cela. Donc soyons-en sûrs, la connaissance ne nous mènera nulle part tant que Christ n'est pas établi sur notre cœur. J'arrive, je n'ai pas encore transmis le message, je prépare le chemin. Tous vous, je vous donne ça. Quand je vais donner, à partir du haut, il serait libre d'abord premièrement. Vous lisez la Bible, il y a des esprits, des pharisiens, dans la Bible, vous lisez, vous prêchez, ça se trouve en plein temps. Même chose, vous ne voyez pas. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. La Bible déclare dans Actes apôtres chapitre 13, à partir du verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On nomme parmi eux Barnabas et Saul. On dit pendant qu'ils priaient, qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, sonnez pas là-bas. Vous ne jeûnez pas. Vous dites que tout ce que Christ a tout accompli. Donc il a tout accompli, sauf dans leur époque. Et vous espérez marcher avec le Seigneur. Vous pendant qu'en portant la brochure, en disant que pendant a dit, ça fait de vous serviteur de Dieu, ça ne se passe pas. Dieu doit vous appeler à une tâche spécifique. Vous devez faire ça. La connaissance de la parole ne fait pas de vous un serviteur du Seigneur. La durée dans ce message ne fait pas de vous un oint de Dieu. Parce que ces choses, ces affaires sont prédestinées. Si vous n'êtes pas appelé à cette chose-là, laissez la chose. Si vous avez connu ça, c'est que la vérité est bonne pour vous, c'est pour votre âme. Dieu doit vous rencontrer, ou mieux, vous devez nous le rencontrer. Si vous ne le rencontrez pas, oubliez cela, parce que vous faites un travail pour vous-même, pas pour Dieu. Le Seigneur doit vous appeler à une tâche. Alors, les dislocations, les coups bas, vous voyez, vous asseyez, vous êtes sec. Vous parlez entre vous. Quand une personne se lève, la calomnie commence. Vous voyez le frère là, il dérange. Il est comme ça. Alors que tout à l'heure, c'est le frère. Et là, le plus grave, vous appelez le frère. Quand il sort, c'est un démon. Quand il est là, il embrasse le frère. Non, je n'ai rien contre toi. Ce n'est pas l'hypocrisie. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. La Bible dit que l'amour est sur son point le mal. Il te dit, je ne te parle pas, mais tu l'as fait frère. Je vais aller là-bas, c'est ton premier démon. Mais tu l'appelles frère. Un frère est ton premier démon, frère. Mais nous sommes frères à cause de l'esprit que nous avons reçu tous les Jésus en principe. Pour former un seul corps, est-ce que le corps, est-ce que le bras l'été est élimé avec ton pied? Non. C'est que la parce que tu as rejeté de la Bible dans la Bible 1 Corinthiens, c'est ça que nous avons eu en plein au milieu des dislocations. Chacun prend la même Bible, cherchant les versets qui vont soutenir sa pensée à lui. C'est pas biblique, c'est pas la façon de faire. L'Église catholique a commencé comme ça, il a fait plus de 21 conciles, et chaque concile les éloignait davantage des Écritures. Ce n'est pas les réunis des conciles qui sont les solutions. Non. Ce n'est pas les réunis des docteurs qui sont les solutions. Vérifiez de façon individuelle, vous avez la bonne relation avec le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Vérifiez de façon individuelle. Si vous êtes dans la foi, vous devez le faire. Vous devez passer par là. Le Seigneur Jésus, il appelle pas le groupe, il appelle individuellement. Vous devez vérifier que individuellement, je suis en accord avec lui, il est en accord avec moi. Pas vérifier que vous connaissez les Écritures, c'est pas ce que je dis. Vérifier que le Seigneur Jésus est d'accord avec vous, que vous êtes à lui. Vérifiez d'abord ça, c'est le point de départ. Si vous vérifiez ça, vous sachez que vous êtes appelé de Dieu, il va maintenant vous dire ce que vous devez faire. Pas marcher par là pour chercher les disciples, chercher ceux qui sont d'accord avec moi pour aller en affaire. C'est comme ça qu'on fait. On marche et la Bible déclare qu'il parcourt des terres pour faire des prosélytes. Des prosélytes. Il essaie de présenter la vision des choses. Quand les gens sont d'accord, ah, tu es mon frère sur la terre. Vous allez avoir tout le monde entier, mais quand c'est la vérité, c'est intransigeant devant le Seigneur. Et c'est lui qui doit choisir ça. Donc, chacun vérifie d'abord s'il est dans la droite ligne du Seigneur. D'abord. C'est pas là que ça commence. Vous pouvez connaître dans toutes les vérités de la Bible, tous les saints des mystères, si vous n'êtes pas parlé de lui, oubliez, c'est l'enfer qui vous attaque. Donc vérifiez d'abord cela. Ou mieux, si vous êtes porté de trouble avec l'esprit de Judas, c'est-à-dire, continuez seulement votre Dieu, sans vous jeûner. Mais à la fin, la Bible déclare qu'il va aller en son lieu, n'est-ce pas, frère? Donc il faut qu'on fasse attention. Alors maintenant, je vais commencer. Quand le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dénonce dans les églises de la Côte d'Ivoire l'esprit de sorcellerie, le feu étranger en milieu de l'église. Ce n'est pas pour vous seulement, je parle pour toute la Côte d'Ivoire. Les mots qui sont généraux dans toutes les églises de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus dénonce le feu étranger en plein milieu. Donc, des pasteurs. Pendant qu'il a été parlé tout à l'heure, il a cité le nom, je les regarde, qui sont regardés comme des démons, mais qui travaillent avec des esprits impurs. Vous me suivez? Je suis donc dans la dispensation maintenant, ce pourquoi je suis. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cieux, créateur des cieux et la terre, tout ce qu'il trouve, dénonce dans les églises de la Côte d'Ivoire le feu étranger. Ça, c'est les pasteurs sont en alliance avec des esprits impurs, les esprits ancestraux. Ils les prennent quelque part chez les marabouts, chez les sorciers. Ils viennent en milieu chrétien pour agir avec eux. Le plus grave, c'est que ce sont ceux dont on appelle les ténors, les plus en vue, ceux qui attirent beaucoup de foule, qui prêchent des messages vraiment mielleux. C'est ceux dont là sont les plus concernés. Maintenant, ça vous concerne en ce sens que si vous n'avez pas le regard sur le Seigneur Jésus-Christ, vous serez attiré par ces esprits-là dans ces lieux. Donc, il y a l'esprit impur. L'esprit impur, c'est simple. Pas l'esprit de sorcellerie. Le pouvoir de la magie appliqué à l'intérieur au nom du Seigneur Jésus. Vous me suivez? Donc, il y a des pasteurs sorciers, des pasteurs satanistes en plein milieu. Vous lisez la Bible donc. Dans le livre des deux pierres, et plusieurs fois, la Bible nous a prévenu par rapport aux faux messagers qui viennent, aux faux prophètes qui viennent. Dans Matthieu 24, d'abord, il a commencé par dire prenez dans le lieu de position, il prenez garde à vous-même. Vous voyez la question? Il pose la question quand est-ce que ça sera l'avènement? Quand est-ce que c'est ici? Quoi? Donc, je dis vous prenez garde. Prenez, je vais veiller d'abord sur vous-même. Car plusieurs viendront sous mon nom. Vous dites quelqu'un dit la Jésus, l'enlèvement aurait. Ne vous inquiétez pas, je suis pas. Un jeu. C'est pas qu'il y ait devant nous des prophéties sur l'enlèvement qu'on prévoit. Je vous le dis, il dit, c'est tant qu'il y a des bandes dans la tête de moi. Les prophéties vont pleuvoir sur l'enlèvement. Et la Bible enseigne que c'est quand les gens ne seront même pas au courant que l'enlèvement va avoir lieu. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il va venir par surprise. Ça dit que quelqu'un ne serait pas d'être vigilant. Il faut seulement se préparer pour que ça ne se prenne pas. Si vous veillez comme ça, essayez de réfléchir comment il fait pour me préparer pour l'enlèvement, vous n'entendez pas. Ça va venir. C'est un jour que ça va être l'enlèvement a eu lieu. Dans Actes chapitre 1, verset 5 et suivant, la Bible dit que les enfants du royaume demandent au Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le roi d'Israël? Il leur a dit que, allez calculer ce que Moïse a dit dans les prophètes. Il a dit ça? Est-ce qu'il a dit qu'allez calculer les dates que Moïse avait prévues? Et ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment où le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Voyez, donc ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. Ne vous occupez pas de cela. C'est la peur d'entrer en enfer qui pousse les gens dans ce domaine. On ne sait pas le Saint-Esprit parce qu'on a peur d'aller en enfer. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas avec votre amour, avec votre relation. Vous voyez, si vous êtes destiné pour l'enlèvement, vous partirez de toutes les façons. Vous avez vu la Bible, ce qu'elle aura fait, n'est pas le premier truc de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'elle aura fait? Il a marché dans la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quoi. Vous dites, et la crainte du Seigneur est venue dans la Bible comme la haine du mal. Vous prenez le mal, vous mettez la Bible. Le mal est sur le cœur. Vous ne m'avez pas dit que vous attendez l'enlèvement. Partirez pas. Donc, il faut qu'on regarde là où il y a le mal et on rectifie la chose. D'accord, frère? Alors, ce n'est pas à nous de connaître les temps et les mois. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur Jésus a donné, il a donné les signes de son avènement. Il ne nous a pas donné quelques versets de Bible pour essayer de sonder pour savoir le moment où il va venir. Il a dit tout simplement, quand vous voyez ces signes-là qui arrivent, tenez-vous prêts parce que le Fils de l'homme va apparaître. C'est parce qu'il a dit, notre rôle, c'est de veiller et prier. Voilà le rôle que nous a donné. Soyez prêts parce qu'il va venir comme un bandit. Pas vrai? Alors, ce que nous devons faire, vous posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Comment l'Église doit faire pour se préparer? Ça, c'est le message de la fin de temps. Comment l'Église doit être prêt? Comment je dois me préparer? Afin que s'il vient, change. Ça, la question, c'est le message de la fin de temps. C'est en cela que consiste le message de faire entrer. Tout est autour de là. Comment faire pour se préparer? La Bible déclare Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8. Il dit que réjouissez-vous, cieux, et tous qui habitez dans le ciel. Donnez gloire à l'agneau parce que le nom de son épouse est venu et son épouse est. Il faut que l'épouse se prépare. La question maintenant, c'est si Christ, dont vous pensiez qu'il viendrait à 92, puis à une autre date ultérieure, s'il vient là, maintenant, partirez-vous, je vais répondre à cette question. Vous quittez pas, je nous sommes dimanche. Si vous allez dormir maintenant, la nuit, si vient, partirez-vous. Si la question est non, vous ferez mieux de rentrer dans la Bible, pas dans les discussions. Vous ferez mieux de rentrer dans la Bible, pas dans les discussions. Vous ne pouvez pas avoir la boussole avec vous en plein désert. Vous ne savez pas avoir de tête, savoir là où est la direction du nom. Vous ne trouverez pas. Si la boussole est le nom, c'est ici. Vous dirigez au nom, dirigez au nom, parce que vous arrivez à bon port. Vous avez la Bible avec vous, la Bible vous conduit, la Bible vous dit la vérité. Ça dit ce que vous devez faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous laissez la Bible de côté, vous dites qu'un tel serviteur a dit ceci, un tel a dit ceci. C'est lui qui vous amènera devant le trône, celui qui vous jugera, il pourra négocier que vous entriez. Pour toi, pointez quelqu'un, je vais vous pointer quelqu'un vraiment. Pointez quelqu'un tout autour de vous, pointez quelqu'un. Tu lui dis, sois préparé. Sois préparé. Pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. C'est donc le but du message en plein. Donc, le correcteur sur la question, hier, je vous pose la question, qu'est-ce que l'Église attend? Vous avez dit, c'est l'enlèvement. Je ne peux pas comprendre. Vous dites que l'Église attend l'enlèvement. Alors, je pose la question maintenant, êtes-vous prêt pour l'enlèvement? S'il vient là, vous partirez. Parce que vous savez que le monsieur devient malin, comme vous dites. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont sortis les jours ont plus le message de Moïse. Savez-vous ça? Écoutez très attentivement. Les gens qui sont sortis les jours ont plus le message de Moïse. Au milieu du plein désert, les gens ont plus le message, ont formé des clans. Savez-vous ça, frère? Combien sont entrés à Cana? Combien sont entrés à Cana? Faites attention. Le message est venu sur la terre pour le verser le monde entier pour chercher Dieu. Réfléchissez. Réfléchissez. On n'y entre pas partout. Après, je voudrais que les frères expliquent que tous ceux qui sont quittés depuis l'Égypte, c'est eux qui sont morts. Tous les enfants ont été tués. Oui, les enfants de sorte n'ont pas été délivrés. Non, je parle de ceux de l'Égypte à Canaan. Ils connaissent la Bible. Toutes ces générations ont péri dans le désert. Deux personnes qui sont sorties de l'Égypte ont vu la sainte gloire, ont vu la terre promise. Et Canaan est un type du scellement, n'est-ce pas, frère? Canaan, la terre de Canaan, est un type du scellement du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Canaan, la terre de Canaan, est un type du scellement du Saint-Esprit. Je peux vous dire ça. Vous avez écouté les messages, vous avez avancé, vous êtes dans les tribulations. En fait, ça montre que vous êtes dans le désert, dans les tribulations. Nous sommes d'accord. Et si vous prenez ces types, ça montre que vous êtes dans des formes de clac. Il y a des courants par ici, des datans par là, des adhérents par là-bas, n'est-ce pas, frère? On est en route pour Canaan. Alors, si Canaan est le plus seulement le Saint-Esprit, le lieu du repos que Dieu n'aura pour lui, dans le Saint-Esprit, je pose la question. Ce Saint-Esprit-là, l'avez-vous? La connaissance de Christ n'amène pas le Saint-Esprit en vous. La connaissance de qui est le Seigneur Jésus n'amène pas ça en vous. La Bible déclare dans Galates chapitre 4, verset 7, que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils pour habiter dans nos cœurs par lequel nous prions Abba, c'est-à-dire Père. Le Saint-Esprit doit venir. Si ça n'est pas venu, n'essayez pas de vous convaincre que vous l'avez. Vous mentez à vous-même. La preuve sera quand l'allemand aura lieu. Si vous ne croyez pas, restez seulement calme. Dites pas la foi. Comme le pantoufle, dites, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le plus objectif. Je ne crois pas la foi. Je ne crois pas la foi. Quand vous allez ouvrir la Bible et ouvrir votre vie, vous allez savoir que votre vie est sec, sans le Saint-Esprit. Alors, il est temps que chacun retourne devant le Seigneur. D'accord, mes frères? Il est temps que vous retournez devant le Seigneur. Arrêtez le débat intellectualiste au milieu de arrêtez les discussions sans fin. Depuis, vous avez eu à répéter discussion après discussion, réunion après réunion. Il y a une seule fois que le Saint-Esprit a parlé à l'issue de cette réunion. Une seule fois que le Saint-Esprit a-t-il parlé. Ça veut dire qu'il n'a jamais été d'accord avec ses rêves. Il n'a jamais été d'accord avec ses réunions. Parce que le seul concile de la Bible, le Saint-Esprit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Et le quand c'était fait, c'était réglé, plus jamais ce problème n'est plus réglé dans l'Église. Alors tous ceux qui s'invitaient de Dieu, tous ceux qui croient de Dieu, personne ne peut se lever avec l'autorité du Seigneur pour dire, voici ainsi parle le Saint-Esprit, voici la marque à suivre. Personne. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc avoir embrassé un message depuis longtemps ne fait pas de vous le porteur de ce message. Dieu doit avoir désiré pour faire quelque chose. Ce sont des évidences de la vie que vous devez savoir. Corée, si on prend le cas de Corée, Corée pouvait être un jeune dynamique, pouvoir dire des choses mieux Moïse. Mais Dieu ne l'avait pas choisi. Dieu ne l'avait pas choisi. Il avait choisi Moïse. Il avait désiré Moïse. Aaron peut être un prophète aussi avec sa sœur, prophétesse, mais c'est à Dieu, Dieu parlait à Moïse, bouche à oreille, sans ennemi. Imaginez même celui qui était le vrai prophète, il a dû murmurer contre le vrai prophète, le prophète authentiquement appelé de Dieu, et que Dieu a dû punir, imaginez celui qui n'est même pas appelé. Imaginez cela. Donc les gens restent aujourd'hui blasphèmes le monde, comment? Parce qu'on ne peut pas regarder au-delà de la chair. Vous voyez, parce que vous avez mis des brochures, ça vous a tout noyé. Donc vous pensez que Branham, il est mort avec le Saint-Esprit, le dernier Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus parler par quelqu'un. N'a-t-il pas dit que la promesse de ce Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, annoncés, grand nombre de Seigneur, que Dieu les appellera. Il a dit ça. Alors s'il a dit ça, le Saint-Esprit parlera toujours. Tant qu'un allemand n'a pas eu lieu. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas tué par Branham. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous devez comprendre. Vous devez continuer. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, vous devez continuer. Donc ça veut dire qu'il y a des appelés encore sur la terre. Ceux qui doivent être appelés à entrer. Ça, vous comprenez. Vous me comprenez. Donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cieux, reproche aux églises de la Côte d'Ivoire l'esprit de sorcellerie en milieu de l'église. Ça, c'est un. De deux, il reproche l'esprit de cupidité et d'impudicité au milieu de l'église. Malgré que les prédicateurs pêchent, ils vivent dans les débats sexuels, les débauches, des parts et d'autres. Et ils croient que le Seigneur les voit. Et vous espérez que le Saint-Esprit marche. On l'appelle Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de sainteté. Et c'est que vous n'appelez pas péché. Lui, il appelle Saint-Péché, parce qu'il est pur. Donc, Saint-Esprit ne se voit pas au milieu de vous avec le péché. il est temps de retourner au Seigneur dans la repentance. Ça, c'est individuel. C'est de façon individuelle. C'est la voie de sortie. Si ce n'est pas comme ça, vous allez tourner en rond comme ça pour des siècles. Je recommence, prononcez sur votre terre. Si ce n'est pas comme ça, vous allez tourner comme ça. Vous allez faire comme ça. Cette génération va passer. Vous allez répéter la même chose. Donc, chacun de façon individuelle, cherchez le Seigneur. Il vous donnera le conseil pour vous et pour l'Église. Chacun. Et quand le Saint-Esprit va vous réunir, vous allez parler en déclarant les oracles de Dieu. Vous allez mettre les dons au service des uns et des autres. Vous n'allez pas mettre des raisonnements. Vous serez maintenant à même exhorter les frères à la sainteté, à marcher après le Seigneur, pas venir discuter sur les opinions. Vous prenez une année, vous restez tranquille, vous mesurez un peu votre vie spirituelle pendant une année dans votre pays. Qu'est-ce que le Seigneur fait au travail de vous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Pas une seule parole, et vous dites que vous l'avez en vous. Donc pendant une année, c'est vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Et vous dites, vous lisez la Bible, Actes des Apôtres, l'Esprit dit à Philippe, apôtre de Séchar. Quand il parlait à Philippe, il s'est tué en même temps. Pendant qu'il a pris le pied médité sur ses paroles, l'Esprit lui dit descend et pas avec ses hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Pendant un an, il ne vous parle pas. Vous ne posez pas des questions. Lorsque quelqu'un vient et dit devant vous, il parle pendant qu'il a de parler. Vous ne pouvez pas savoir qui en est de parler. Il prend une année seulement qui est récente. Il ne peut pas dire ça parce que c'est toujours. Il peut avoir parlé en oubli. Donc, pendant que quelqu'un se tient devant de vous, quand il parle, quand celui-là parle, personne ne peut discerner parce qu'il ne connaît pas sa voix. Par conséquent, vous allez suivre la voix à la lumière des projets que vous avez lus. Vous n'entendez pas cette voix. Suivez la voix à la lumière de la parole. Suivez la voix à la lumière de la parole. Rentrez devant de lui. Demandez pardon pour vous-même. Soyez sérieux avec vous-même. Appelez péché, c'est lui qui l'appelle péché. Demandez qu'il vous nettoie. Quand il va vous nettoyer, vous sanctifier, il peut vous mettre en service. Ce n'est pas après. Dieu ne va pas vous prendre dans le péché, allez vous envoyer au service. Vous savez que vous vivez dans tout genre de débauche. Et vous comptez aller, Dieu vous utilise. Il n'utilisera pas comme ça. Les bases pour être mis en service doivent être sanctifiées. Vous êtes là, vous vivez. Tu as deux femmes, l'autre en brousse, l'autre de l'autre côté. Et tu penses que tu as le Saint-Esprit. Tu pars. Tu bois la poche, tu croises les pieds, tu fais que même Timothée devait boire. Continue à trouver les heureusements dans la Bible. Vous pas. Au lieu de regarder ces choses-là, regardez ce qui est parfait. Dites-moi ce que je dois faire pour le royaume. Des gens souffrent au milieu de vous, il y a des malades. Il y a des malades, point de guérison. Vous ne vous posez pas de questions. Les seules choses que nous avons dans les livres, c'est le parlant. Tout le monde parle en langue. Mais la vie chrétienne ne suit pas, elle ne se pose pas de questions. L'Esprit Saint vient, ça n'est plus dans le péché. Les catholiques parlent en langue. Après, en même temps, Marie, il prie Marie, le Saint-Esprit en eux prie Marie. Il faut qu'on se répande. Cherchez le Seigneur avant qu'il ne ferme la porte. Cherchez le Seigneur. Souvenez-vous de la patanasse à votre groupe de prière. À une réunion de prière charnelle. Le cristallisme pense dans sa réalité de l'intimité entre le cœur de vous et le cœur de Christ. C'est à cela que ça consiste. Premièrement, votre relation avec Christ doit être établie. En plus, maintenant, vous pourrez maintenant vous réunir avec les frères. Ne courez pas dès les réunions sans être avec Christ. Ça ne vous servira à rien. Vous n'apporterez rien, on ne vous apportera rien. Ça va vous endoucir. Donc, le temps que chacun cherche le Seigneur. Cherchez le Seigneur parce que ce qui arrive devant nous est terrible. Ce qui arrive devant nous est terrible. Suivez ces jeunes gens à l'ouest de votre pays qui viennent d'arriver pour la tête de votre pays. Suivez-le. Suivez ce jeune homme de l'ouest de votre pays qui arrive à la tête de votre pays parce que ça va changer. Suivez l'ouest du pays. Suivez. Alors, le moment arrive sur la terre de votre pays ici où vous allez appeler le Seigneur, vous n'entendrez pas ça. C'est le moment de la paix. C'est le moment de l'appeler. C'est le moment de l'appeler. Vous me suivez, frère? Vous comprenez ce que je dis? Ésaïe chapitre 55. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Et vous essayez de prendre le groupe à peu près pour savoir si celui-ci a raison, celui-ci a tort. C'est la parole seule qui a raison. Elle aura toujours raison. Dans ce regroupé, vous êtes 800, vous croyez que comme l'un des groupes là dit qu'il n'y a plus de péché de la chair. Je dois satisfaire ma chair, parce que la Bible déclare que la chair a des satisfactions qu'on ne peut pas empêcher. Vous allez voir que la Bible déclare que vous ne marchez pas à l'esprit. La solution pour ne pas marcher après la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Et on ne marche pas selon l'esprit, en disant que je marche selon l'esprit. L'esprit doit s'exprimer au travers de l'esprit. Esaïe chapitre 55, verset 1 et 2. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Merci. Le conseil du Seigneur est donné. Dans Jean chapitre 7, verset 37 et 38, il va redire la même chose. Le dernier jour, le grand jour du marché de la fête, s'est tenu devant eux. Il a dit que celui qui a soif vient et boit. Jésus a lancé la fête. Nous cherchons le raccourci. Et c'est le raccourci qui a amené cet esprit sur le Seigneur au milieu de l'église. C'est le raccourci qui a amené la sorcière au milieu de l'église. Voyez un jeune pasteur va à l'école du public parce qu'il sait que les gens attendent les miracles. Vous êtes facilement appris par le droit des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un marabout. Après avoir eu la connaissance du public, il va chez un marabout prendre les barres, le savon, d'autres les mouchoirs, d'autres c'est les yeux qui mettent sur le corps. C'est le même caractère, le vêtement qu'il porte. On leur donne des instructions. Chaque semaine, ou chaque mois, une vieille de son assemblée va mourir ou bien tu vas coucher avec une femme mariée, ainsi de suite. Ça, ils ne viennent jamais me dire. D'autres, on les amène plutôt en bordure des mains, ils vont aller avec les Mamiwata. Mamiwata vient chercher quoi avec lui. Quand il vient au milieu de l'assemblée, vous n'entendez jamais parce qu'il dit au nom de Mamiwata. Jamais, frère. Il dit au nom de Jésus. Donc, il est temps que vous ayez le discernement par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce raccourci-ci qu'on a voulu prendre à conduire par là bas. Dieu les appelle pas, ils voient qu'au milieu de l'église, il y a beaucoup de gens qui ont sorti des miracles. Ils les donnent des miracles en échange. C'est pour cela que c'est payant. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas. Si vous prenez le don, si le don vous êtes venu, vous donnerez gratuitement. Alors, comme ils sont allés, ils ont dépensé de l'argent pour l'obtenir. Ils dépensent en sacrifice, il faut qu'en retour, ils prennent. Vous voyez ça, frère? Or, la voix du Seigneur, vous devez demeurer dans sa présence parce qu'il vous voit de son esprit. Vous devez demeurer comme ça. S'il ne vous donne pas, restez devant lui parce que lui, il a déjà dit, invoquez-moi et je vous réponds. Il a promis de répondre. S'il ne répond pas, restez-y. Parce que ça en va de votre vie. Il dit, vous aurez des meilleurs des repos pour votre âme. Ne courez pas. Prenez le temps que vous avez passé jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où vous allez parler. Le temps que vous avez resté dans les futilités. Vous avez développé les futilités, les discussions. Supposez que vous avez été dans les prières et les jeûnes. Ça viendrait de votre vie par le Saint-Esprit. Ce serait différent. Amen. Passons le temps dans la prière. Restez devant la femme du Seigneur. Quand vous sortez de la femme du Seigneur, l'expression est différente. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4, dit quand ceux qui avaient été envoyés par Dieu prêcher la parole, Dieu a pu être témoignage par des signes, des prodiges et des miracles. Donc la parole est toujours confirmée. Le Saint-Esprit ne s'est pas tué du courant des siècles, le destin, c'est pour dire que non, il n'y a plus de miracles pour témoigner de Jéhovah et d'autres prodiges. Si tu ne vois pas, tu ne pas seulement en parole, en bavardage. Parce que c'est ça, les Grecs ont raison, ils prêchent leur royaume des œufs. Il ne s'agit pas de bavarder. Il dit Jésus en annulant les écritures comme ça de faire. Il faut qu'on prie après le Saint-Esprit vient témoigner de l'écriture. Vous me suivez, frère? Vous me comprenez bien, n'est-ce pas? Alors l'église d'habitude. Et les îles à Côte d'Ivoire ont besoin que le Seigneur prenne le contrôle lui-même et que le Saint-Esprit soit le même, le maestro pour diriger toutes choses, pour établir les gens. Les gens se sont proclamés, prenant des titres, et ils se plaignent. C'est le verdict dans votre pays. C'est le verdict dans votre pays. Dans ce seul pays, il y a des messagers, 8e, 9e, 10e, 9 messagers qui sont sortis hors du cadre même de la Bible, créant sa propre Bible. Ça doit nous montrer que les démons sont déchus, sont tombés dans votre pays. Vous devez comprendre ça. Pour un être humain de vie, détenu sur les jeunes, je vous dis, vivez la lumière du monde, sans lui, vous n'avez pas la vie, vous devez vous réfléchir deux fois, frère. Votre pays a danger. Et jusque là, Marie qui dit ça, les gens croient. Les gens croient. Ils appellent ta Bible que c'est quelque chose à mettre dans la musique, pas vrai? On doit mettre votre Bible dans la musique. Ils appellent ça ta narine fétiche. N'est-ce pas, mes frères? Donc si tu es un chien, tu es un démon, tu es le rat, le porc, ainsi de suite. Et ça vous énerve, fâché. Mais vous ne pouvez rien parce que vous n'avez pas l'esprit contre combattre ça. Vous voyez la main, n'est-ce pas? Vous allez arriver au niveau de la main, vous allez dire même Jésus en train de le temps de taper les gens avec Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit établit et rétablit les choses. Il dit, ça se discute. Ceux qui ne discutent pas avec le diable, il ne discute pas avec telle personne. Il dit ce qui est du royaume. Et nous tous, nous disons la Bible, quand le Saint-Esprit va venir, il nous conduira dans toute la vérité. J'ai dit ça, vous allez dire Amen. Chaque personne connaît Jean chapitre 14. Chaque personne connaît Jean chapitre 16. Chaque personne sait que le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle, tu vas c'est une doctrine. Vous avez de l'autre, une autre doctrine contraire. Sept doctrines, sept Saint-Esprit. Et vous dites Amen chaque fois à la Bible. C'est ça, frère? Vous avez vu ces choses dans la Bible avec les apôtres? L'apôtre Pierre, quand il lisait les écrits de l'apôtre, il ne comprenait même pas, il ne reconnaissait pas l'esprit à lui qu'il y a des choses dues là-bas, mais c'est Dieu qui lui a dit. Aujourd'hui, c'est que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas obligé de comprendre ce que tu dis. Ça, c'est son Saint-Esprit qui parle. L'autre dit, ok, ne comprends pas, alors, tu n'as pas Saint-Esprit. Ça, c'est son Saint-Esprit qui parle. On doit se réveiller. Il y a un problème. Il y a un problème. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Il ne conduit pas les gens dans l'égarement. Il ne conduit pas les gens à contredire la Bible. Si vous êtes une fois, allez à contredire la Bible, posez des questions sur l'esprit qui vous amène. Posez des questions. Donc, ce que les dirigeants qui ont fait entrer le message qu'ils devaient faire, c'est se repentir publiquement. Et demander à ceux qui ont écouté ce message de lui pardonner et d'arrêter tout cela. Que de chercher des fuites en avant en disant que mais on a un mauvais calcul. C'est exactement ce qu'Hélène dit ouais, avec son mari. Et oh, là, on fait des enfants le septième jour. Ils ont fait ça le même esprit au courant des épreuves. Joseph Smith a fait cela avec les mormons. Ils ont fait cela le même jour plusieurs fois. Après, vous allez sortir contre les témoins de Jéhovah. Vous êtes identifiés avec le même esprit. Les catholiques, depuis le septième, ils dérangent. Ils sont tous en blanc. Vous savez, ils ont perdu. Ils sont pas prêchés là. Ils restent tranquilles. C'est vous qui venez là-bas. Ils sont constants dans le faux. Ils sont constants dans le faux. C'est vous qui m'utilisez chaque jour parce que vous allez de lui en lui. Catherine ne discute pas. Ils restent à Rome. C'est vous qui venez envoyer l'argent là-bas, envoyer les choses là-bas. Ils sont constants dans leur société. Au moins, ils sont persévérants dans la société. Vous voyez, frère, il faut qu'on se répare. Il faut qu'on se répande. Je vais appeler, m'appeler et répéter exactement ce que je vais dire. C'est le répandance et d'autres individus. D'abord. Vous vous réveillez, vous allez vous rendre compte que vous avez lu quelque chose dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, vous demandez à l'autre, il donne une autre version. Ça va pour vous entendez. Cherchez le Seigneur directement. Vous allez vous réveiller, frère, viens, on prie. Le Seigneur, j'étais là où tu es unis en son nom. Et vous ne voulez pas. Que prions, Dieu nous dit que lorsque nous invoquons son nom, il est au milieu de nous. C'est pas comme ça, frère. C'est dans l'unité de l'esprit, pas dans l'unité de la chair. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller prier avec les sans être. Vous ne vous dites même pas les vérités les uns les autres. Et la Bible déclare que peut-être toutes ces choses à l'intérieur, le mensonge, ça ne doit pas se nommer au milieu des saints. Ça ne doit pas se nommer. Ça ne doit pas se nommer. Il y a ça. Hier, Jésus suffit ici, lorsque vous résolvez les problèmes ici, il dit ok, je comprends donc que ce problème est résolu. Il y a un problème donc avec Jésus suffit que ceux qui dirigent ici me disent que nous avons nos querelles internes. Nous n'avons pas l'étaler ici. La Bible dit que c'est déjà un dépôt de vous d'avoir déposé les uns les autres. Vous voyez, c'est déjà un dépôt chez vous d'avoir déposé les uns les autres. Donc ça ne doit pas se nommer. Et on me dit que non, nous avons nos problèmes, c'est les chrétiens, les problèmes qu'on n'a pas étalés ici. Et la Bible dit ça, il n'y a pas au milieu de vous un sage qui peut faire la part des choses différentes, des frères, les chrétiens, comme si juger les uns, les autres. S'il y a un problème étalé, on résout le problème, ça s'arrête. N'allez pas cacher, sinon vous allez venir dans l'hypocrisie. Quand la personne sera pas là, vous allez dire, frère, il dira, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il faut l'éviter, non? Quand il vient vous asseoir, vous mangez la nourriture, vous frère, comment tu vas? Quand il sort, vous m'en parlez de lui. Vous attendez le royaume ici avec ça? Vous n'entrez pas dans ce royaume-là où nous appartenons. Vous n'entrez pas. Parce que la Bible dit qu'on est sans tâche, ni rien de semblable. Allez devant le Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie comme tâche? Cette question doit être répondue par vous. Quelles sont les tâches de ma vie qui m'empêcher d'avancer vers toi si tu dis maintenant, si cette voie-là puis monter, si cette voie puis monter, on ne monte pas, si je suis allé de monter, parce que c'est en plein de tu n'as même pas le temps d'attraper mon pantalon. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc même si c'est en ralenti, tu attrapes quelqu'un, tu vas glisser ton bébé. Parce que l'allèlement c'est individuel. Sauf qu'on est censé se transmuter. Donc frère, préparons-nous. Ne pensez que pas que les désirs de la chair, que vous avez en vous. Vous combattez ça chaque fois. Oh, je tombe dans la fornication, je me relève. Dieu va comprendre que le moment où il va venir, la fornication c'est résolu. Vous devez être délivré du péché, affranchi. Et si le péché vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous n'êtes pas libre, attendez jusqu'à ce que vous affranchissez. Si vous comprenez. Voilà. Alors, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair n'est pas obéie à la loi de Dieu. Mais c'est par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. Vous n'êtes pas le seul, c'est comment vous allez rester contre le péché. Si vous bagarrez, bagarrez comment? Donc, vous avez le péché en vous, vous devez être délivré. Vous attendez à dire, je fuis le péché, je fuis le péché, tu fuis. Ce péché, il est où? Il a vu où? Il a vu mon frère, à l'intérieur. Donc quand tu fais comme ça, tu pars avec lui. Tu pars avec lui. Donc il t'accompagne partout. Les éléments que vous voyez devant vous, qui vous allez, c'est la manifestation de ce qui est à l'intérieur. Il faut ce qui est à l'intérieur, soit. Il faut s'en sortir. Délivré, affranchi, coupé. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la solution. La connaissance du péché ou la connaissance de la Bible n'enlève pas le péché en vous. Jamais. C'est le Saint-Esprit habitant en vous qui le fera. D'accord, mes frères? Je vais devoir m'arrêter ici. Faire une pause pour vous assembler. Je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, donc, vraiment, on va acclamer le Seigneur, le frère et le Seigneur qui apporte vraiment toutes ces choses. Et je pense que. Bien, donc, on va présenter les cantiques, mais malheureusement, bon, le monde ne maîtrise pas les cantiques. Comment faire? Bon, d'accord, donc bon, on va se lever un peu, on va se lever, tout le monde est triste. Donc, pour ça. Amen. Voilà, je pense que. Une pause. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il faut que on puisse récupérer. Bon, donc, on va faire une pause. Et on va aller. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, une pause.